Bosco Douiman. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 1er juin 2021. Voici les grands titres de cette édition. Alors que le poste frontière Gatumba est depuis ce matin ouvert au trafic transfrontalier, les commerçants burundais et congolais réclament la réduction des frais exigés pour l'obtention de l'attestation Covid-19. Les trois personnes ont été tuées la nuit de ce lundi à mardi à Kayanza et à Chibitoke dans des circonstances différentes. Vous en aurez les détails. Et des étudiants de l'université du Burundi abandonnent les études ou se voient expulsés des maisons louées à cause du retard du prêt bourse. Reportage à suivre. Et dans la chronique santé ce mardi, on parle de l'allaitement maternel face au coronavirus. Voilà pour le sommaire. Rebonjour. Le poste frontière du Gatumba séparant la République démocratique du Congo et le Burundi est depuis ce matin ouvert aux passagers des deux pays, comme ont pu le constater nos reporters. Les Congolais et les Burundais qui s'apprêtent à franchir la frontière réclament la réduction des frais versés pour l'obtention de l'attestation du Covid-19, estimant que les sommes de 15 000 francs pour les Burundais et 30 dollars américains pour les étrangers sont énormes. Je suis en ligne avec Yvette Nijimbere. Le poste frontière, je viens de le dire, de Gatumba est ouvert au trafic depuis ce matin, comme cela avait été annoncé par les autorités la semaine dernière. Alors Yvette, vous êtes à Gatumba sur la frontière burundo-congolaise. Avez-vous pu voir des Burundais et Congolais franchir la frontière de part et d'autre? Oui, monsieur Bosco, ce que nous avons vu, c'est que les gens viennent massivement. La plupart sont des Congolais, et des commerçants congolais qui viennent au Burundi. Ils s'enregistrent d'abord et suivent la procédure pour payer les 30 dollars dans un guichet de la Banque au bout situé sur la frontière. Puis se dirigent dans des bâtiments qui sont là pour les tests de Covid-19. Ils sont disposés à recevoir ce test, mais et il y a ceux qui grognent, disant que l'ouverture de cette frontière ne les avantage en rien, vu que la somme qu'ils devraient payer, les 30 dollars pour le test Covid, sont énormes et qu'ils ne disposent pas de moyens pour payer ces tests. Autre chose, est-ce qu'à 11h30, juste à 11h30, plus de 85 passagers avaient reçu le test Covid et ils attendaient les résultats. Ces commerçants aussi demandent la réduction de la somme demandé pour l'été, c'est Covid-19. Et le ministre de la Santé, qui a ouvert cette frontière, les a promis de s'entretenir avec les concernés pour voir s'ils peuvent réduire cette somme d'argent. Yvette Nijimbere, en direct dans ce journal depuis le poste frontière de Gatumba. Elle vient de le dire, ces commerçants ont des doléances. L'Association des commerçants transfrontaliers de la République démocratique du Congo apprécie la réouverture de cette frontière burundo-congolaise de Gatumba. Blanco Bitakwira, président de cette organisation, estime cependant que les frais arrêtés pour le dépistage au Covid-19 sont énormes pour ces petits commerçants qui font des navettes à longueur de journée. Il appelle le gouvernement burundais à revoir la baisse des paiements. On l'écoute. Un petit commerçant, c'est quelqu'un qui exerce son petit commerce avec un capital très minimum, qui ne peut jamais faire objet d'une soustraction de 15 à 30 dollars pour franchir la frontière. C'est ainsi que nous mettons encore un appel au gouvernement burundais de revoir la décision et de faciliter les commerçants transfrontaliers du Burundi et de la RDC. La cohésion sociale à travers les petits commerces était déjà dans un climat très haut et qu'on ne peut jamais expliquer. Car les Burundais et Congolais se trouvaient facilement, dialoguaient facilement, échangeaient facilement, mais maintenant ils n'ont plus l'espoir. Et ils ne doivent jamais vivre le désespoir, mais plutôt nous rappelons aux autorités burundaises, étant parents responsables, de nous faciliter et d'écouter la voix des plus démunis qu'on appelle petites commerçantes transfrontalières, qui ont droit aussi à la vie, droit à l'éducation, droit au logement. Tout cela, c'est dans la main de nos gouvernements de bien tenir à main les plus démunis que nous appelons petites commerçantes. Pour ce qui est du commerce transfrontalier, je pense que vraiment c'est un handicap puisque les petits commerçants transfrontaliers n'ont pas le moyen de payer 15 dollars, voire même 30 dollars. C'est un frais très exorbitant par rapport à leur activité. Blanco Bitakwira, il est de l'Association des commerçants transfrontaliers de la République démocratique du Congo et ses propos ont été recueillis par Mireille Kanyang. Le Burundi et la Chine s'engagent à garder et renforcer les bonnes relations bilatérales qui ont toujours caractérisé ces deux pays. Après l'audience à la primature ce mardi, l'ambassadrice de la Chine au Burundi a déclaré à la presse qu'ils ont exprimé la volonté commune d'élargir la coopération sino-burundaise dans les secteurs comme l'agriculture, la santé, infrastructures et minerais. Zhao Jianping a aussi rassuré que la Chine pourra accompagner le gouvernement burundais à réaliser le plan national de développement. Nous avons exprimé notre satisfaction sur les relations bilatérales. La Chine et le Burundi sont liés par une amitié traditionnelle. Nos relations bilatérales sont marquées par la confiance politique, la coopération fructueuse et le soutien mutuel sur les scènes internationales. Et nous avons aussi évoqué des projets en exécution, par exemple centrale hydroélectrique qui est en travaux et qui aura terminé les travaux l'année prochaine. Cela peut augmenter l'alimentation électrique de 30%. Et nous avons évoqué aussi des projets sur l'agriculture, surtout sur le centre pilotage agricole. Et nous avons exprimé notre volonté commune d'élargir la coopération sino-burundaise dans le secteur de l'agriculture, de la santé publique, de la formation des ressources humaines, des infrastructures, aussi dans le secteur des mines. J'espère, par cette coopération gagnant-gagnant, la Chine peut accompagner le gouvernement burundais à réaliser le plan de développement national. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Certains participants à la foire exposition en cours à Bujumbura et organisée par le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme disent qu'ils vont gagner beaucoup en faisant connaître leurs produits fabriqués au Burundi. Pour eux, les gens seront au courant qu'il y a des différents produits vendus et fabriqués au niveau local par différentes organisations sans se rendre à l'étranger. Jean-Marie Mayonga a visité le lieu où se déroule cette foire. La foire exposition Made in Burundi organisée par le ministère du Commerce à Bujumbura, certains des participants disent que c'est une occasion d'exhiber les produits fabriqués au Burundi. Nous sommes venus exposer tous nos produits, tout ce que nous faisons, plus de visibilité, nous faire encore plus connaître et faire connaître tous nos produits, la qualité de nos produits et de nos services. On a apporté des toilettes portables, mais avec aussi les produits de nettoyage, savon liquide et les parfums liquides. Ces participants précisent que c'est un avantage car les gens qui viendront acheter les produits seront au courant des nouveaux produits qui sont fabriqués par différentes entreprises et sociétés burundaises. Les gens qui viennent ici, il y a des gens de toutes les nations et ils viennent. On voit souvent même les étrangers et c'est l'occasion de tester d'utiliser nos produits, nos propres produits qu'on a fabriqués nous-mêmes et ils ne seront pas déçus. Nous avons beaucoup d'avantages parce que les populations constatent que tous les papiers qu'on utilise ici au Burundi deviennent en dehors du pays. Or, c'est faux. Ici, on fabrique des papiers de différents grammages. Cette foire exposition Made in Burundi, 4e édition, va avoir la participation de 162 organisations et sociétés et va durer 10 jours. Le thème choisi est « Contribuons à la création de l'emploi et à l'éclosion de l'investissement privé à travers les entreprises performantes par la promotion des produits Made in Burundi ». C'était un reportage de Jean-Marie Mayonga. Une femme de la zone urbaine de Guéouché demande à l'administration de l'aider à protéger ses enfants issus d'un mariage avec un adepte de Zébi et aujourd'hui déstabilisé dans leurs études. Elle affirme en effet que son époux leur empêche de suivre les cours puisqu'ils sont instables dans différents pays de la région. C'est un reportage d'Omer Ndouayo. Sylvie Chenouka, une mère de 6 enfants, déplore la situation familiale qui n'a cessé de se dégrader depuis 2008, date à laquelle son mari est devenu adepte des Ebing Ndakuman. En 2008, il a connu le lieu qu'on appelle Boussinde, où les Ebing Ndakuman rassemblent beaucoup de gens, leurs enseignants, qui doivent aller au ciel. Mon mari aussi est devenu adepte. Il fréquentait beaucoup jusqu'à ce qu'il s'absente de mon service. Il a été emprisonné 2 ans successifs. Après 5 mois, il a pris mes enfants vers le Congo. Heureusement, après 1 mois, assisté par l'Interpol burundais, j'ai pu récupérer mes enfants. Cette mère dit que son mari empêche depuis lors les enfants de suivre les études. 3 jours après les élections, j'ai récupéré mes 3 enfants et les a reconduits à l'école. Mon époux était emprisonné. Avec donc la grâce présidentielle, mon mari a quitté la prison. Il a regagné la maison. Nous étions ensemble jusqu'à maintenant. Mais vendredi, il vient de quitter la maison en partant avec les 3 enfants encore. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas où ils sont. Elle demande aux autorités de lui venir en aide afin de retrouver ses enfants qui ont abandonné l'école suite aux enseignements de leur père. Mes enfants vont être victimes, bien sûr, quand les enfants ne sont pas avec la maman, malgré que l'éducation est en partage entre les époux. C'est-à-dire, mes enfants manquent beaucoup de choses, surtout l'éducation maternelle, les conseils de la maman. L'éducation aussi, tu vois, l'avenir des enfants se trouve dans le cahier, comme on le dit. Je demanderai aux autorités de me faire revenir mes enfants, retourner sur le banc de l'école et préparer leur avenir et de punir sévèrement ces papas ou ces mamans qui, au lieu de préparer l'avenir de leurs enfants, ils les exposent sur de multiples problèmes. Sylvie Hichinuka appelle au discernement des enseignements religieux afin de ne pas se compromettre. Omer Ndouayo. Expulsion des maisons louées, abandon des études, voilà certaines conséquences du retard de prébourse pour les étudiants préboursiers externes. Les étudiants dans cette catégorie qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro ce mardi à mairie de Bujumbura expliquent que ce retard entraîne un mauvais suivi des cours. Ils demandent la disponibilisation de ce prébourse à temps. Jean de Dieu Irakodze. Ce sont des étudiants externes et préboursiers, tous habitant le quartier Kanyaré, qu'ils ont baptisé Pavillon 14. Ils expliquent que la perception du prébourse récent a pris 6 mois. Parmi certaines conséquences causées par le retard de ce prébourse, figure entre autres l'expulsion dans les maisons louées, indiquent certains parmi ces étudiants. Nous pouvons donc avoir des dettes pour essayer d'avoir le repas, pour avoir le syllabus, pour avoir le frais de loyer. Il est vrai que nous pouvons diminuer la quantité. Au début, par exemple, pour nous, 1,5 kg de farine de manioc. Mais parce que la prébourse était en retard, nous avons diminué cette quantité à 1,25 kg pour continuer à vivre. Les cas d'abandon, ajoutent ces étudiants, sont également des conséquences liées à ce retard. Dans notre classe, au commencement, nous étions au nombre de 167, mais jusqu'à maintenant, nous sommes au nombre de 147. C'est-à-dire qu'une vingtaine des étudiants ont abandonné les études à cause de manque de l'argent. Ces étudiants demandent le paiement à temps de ce prébourse. Et ce que nous demandons maintenant, c'est que le prébourse vienne à temps. N'en est pas dépassé au moins 1 mois ou 2 mois plus tard. L'article 20 de l'ordonnance ministérielle du 22 mars 2018 régissant le prébourse stipule que ce dernier se perçoit mensuellement. Jean de Dieu, il a causé le chômage qui s'observait chez les lauréats des universités des cours de la demande largement supérieure à l'offre de l'emploi. Déclaration d'Andrand Ouimana, directeur général des curricula et des innovations pédagogiques au ministère en charge de l'éducation nationale. Il indique en outre que le gouvernement du Burundi compte développer les filières plus porteurs d'emploi dans l'objectif de juguler ce problème de chômage. Suivez-le, il s'entretient avec Jean de Dieu, il a causé. Avec la multiplication des universités ici et là, il y a un engouement très fort à ce que n'importe qui fasse l'université pour espérer avoir, si vous voulez, un bon poste au niveau de l'État. La réalité étant telle qu'elle est, l'offre est largement supérieure à la demande. Il y a plus de lauréats qui terminent l'université que le boulot disponible. Il y a très peu de boulot disponible et parmi ceux qui tombent au chômage, c'est essentiellement ceux qui ont fait essentiellement l'enseignement général. Ne s'agit-il pas de l'inadéquation formation et emploi? On parle souvent de l'inadéquation formation-emploi. Mais vous oubliez une chose, c'est la personne qui s'oriente. Le premier responsable, c'est lui, le lauréat. Qu'est-ce qu'il veut faire? Et au niveau de la planification, le ministère offre plusieurs voies. Et chacun fait la voie qui lui semble la meilleure. Mais ce que nous disons toujours au lauréat, c'est de voir, lorsque vous vous inscrivez dans une université, est-ce que cette faculté ou bien ce département, est-ce que vous voyez l'issue? Que comptez-vous faire au niveau du ministère pour pallier à ce problème dans l'avenir? Le problème du chômage, ce n'est pas un problème qui peut trouver solution à travers un seul ministère. Ce qui est en train d'être fait, ce n'est pas de multiplier, si vous voulez, les filières qui sont déjà là, mais c'est de mettre en place des filières nouvelles. C'est de s'imaginer des filières qui ont de nouvelles perspectives d'emploi. Vous voyez, par exemple, il y a eu l'Institut de statistique qui a été mis en place. Il y a eu l'école de nutrition qui a été mise en place. Il y a l'Institut technique qui est en train d'être construit dans la province de Karoussi, exactement à Chombo, à Roussi. Il y a d'autres initiatives pour l'université supérieure technique qui est en train d'être aménagée parce qu'on a vu que les écoles techniques sont plus porteurs d'emploi que les facultés à vocation générale. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. 13h13 à Bujumbura, la suite de ce journal avec la rubrique sécurité. Deux personnes, dont une femme sexagénaire et son petit-fils originaire de la colline Ruzingati, en commune Gaombo de la province Kayanza, ont été tuées à la grenade la nuit de ce lundi à mardi par des malfaiteurs non encore identifiés. D'après nos sources sur place, d'ailleurs confirmées par l'administration locale, ces malfaiteurs ont lancé cet engin meurtrier par la fenêtre quand les victimes s'endormaient. Au niveau de la police à Kayanza, l'on fait savoir que les enquêtes sont en cours pour connaître les auteurs de ce forfait, étant donné que ce n'est pas pour la première fois que cette famille est attaquée à la grenade. Et un sexagénaire du nom de Lazar Sakoubou de la colline et zone Nyamakarabo, en commune Mugina de la province Chibitoke, a été tué, décapité, c'était la nuit de ce lundi à mardi. Selon son épouse, son défunt serait accusé de sorcellerie. L'administrateur de la dite commune, Julien Naïsaba, tranquillise la population et informe que les enquêtes ont déjà commencé pour identifier les auteurs de son meurtre. Vestine Routoy. C'était vers 20h de ce lundi que la famille d'un sexagénaire connu sous le nom de Lazar Sakoubou, de la sous-colline Gassessa, colline et zone Nyamakarabo en commune Mugui de la province Chibitoke, a commencé à s'inquiéter sur le retour à la maison de cet homme. Du coup, l'épouse de ce dernier et son enfant ont décidé d'aller à sa recherche. Hélas, ils l'ont retrouvé mort, décapité. En dépit de son meurtre, la veuve affirme que la cohabitation est bonne entre leurs voisins. Un des fils du défunt pense que même si aucun tract lui accusant de sorcellerie n'a été trouvé, son père serait victime de suspicion. Quant à Jérémy Balasokoroza, chef de colline Ruziba, limitrophe de celle de Nyamakarabo, ce crime serait lié aux conflits familiaux. Toutefois, il y déplore le non-aboutissement des enquêtes faites par des organes habilités. Toutes ces personnes plaident pour la justice afin que les auteurs de cet assassinat soient identifiés et traduits devant la justice. L'administrateur communal Mugina, Julien Ndaïsaba, tranquillise la population et informe que les enquêtes relatives sont en cours pour répondre aux doléances de ses citoyens. Vestine Boutoui en actualité internationale. Cela fait des mois que ses partisans attendent son retour au pays. Définitivement acquitté en mars dernier par la Cour pénale internationale, l'ancien président Laurent Gbagbo rentre à Abidjan le 17 juin, comme l'a annoncé le FPI Gor ce lundi 31 mai. Annonce faite à l'occasion du 76e anniversaire de cet ancien président ivoirien. Transféré à La Haye il y a 10 ans, le président Laurent Gbagbo n'était pas revenu dans son pays natal depuis. Acquitté des accusations de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale en mars dernier, il avait finalement obtenu son passeport ivoirien à la fin de l'année 2020, dernier rempart afin de pouvoir rentrer chez lui. Et séance mouvementée ce lundi au Parlement de l'Union africaine, sur des images diffusées par la télévision sud-africaine, on a assisté à une foire d'empoigne entre législateurs lors d'une réunion sur l'élection d'un nouveau président. Des députés se sont même battus pour une urne blanche située à l'avant de la salle destinée à contenir les bulletins de vote. Ces scènes de chaos découlent d'un désaccord entre pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale et un bloc de pays d'Afrique australe. Le point de discorde portant sur une éventuelle rotation de la présidence de l'instance africaine. Depuis sa création en 2004, le Parlement africain n'a jamais été présidé par un pays d'Afrique australe. Il est 13h16 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous aurez bien nous excuser pour la chronique santé qui n'a pas été disponible, mais ce n'est que partie remise. Rendez-vous dans notre édition de la soirée. Merci donc à vous tous qui avez suivi ce journal avec intérêt. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Séraphine Hakizimana. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Passez un très bon après-midi à l'écoute de nos programmes.